بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، c'est notre une autre assise pour essayer un petit peu de s'éclairer ensemble sur la voie de ne plus être de Allah alim. Avec les paroles des hommes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les vivants, ils nous fassent profiter de leur science, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde les morts, et qu'il nous fasse profiter aussi de l'héritage qu'ils nous ont légué. Et bien sûr, l'étude est autour de la réplique de son éminence Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. La réplique qu'il a faite à Dr. Ramadan Al-Bouthi. Le but de cette réplique, c'est pour dissiper certaines ambiguïtés aussi, comme celle que propagent certains et qui disent que Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala ne voit pas les répliques, et d'autres énormes ambiguïtés comme quoi Cheikh il ne voit pas le fait de s'appeler Salafi. Nous avons vu que dans l'introduction de cette risala, il a cité sur une page et demie 8 fois le terme salafi et salafia. Entre les deux termes, il les a cités 8 fois, rien que dans des petites pages, une page et demie. Et maintenant, aujourd'hui, posté sur Sahab et en même temps dans le site de Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, un commentaire qu'il avait fait Hafidhahullah Ta'ala après l'introduction et le discours du prince héritier d'Arabie Saoudite, le prince Naif ibn Abdul Aziz Al Saoud, lors de ce débat salafi, à l'ouverture de ce débat sur la salafia, dont le titre est « La salafia, c'est une voie légiférée et c'est un but national ». Cheikh Hafidhahullah nous montre encore une fois, que ceux qui disent que Cheikh ne voit pas le fait de s'appeler salafi, ils ont le doigt dans l'œil. Et que, frère en Allah, Azzawajal, ceci doit attirer notre attention, comme quoi il faut faire très attention à ce que colportent certains et à ce que propage certains, et que des fois ils sortent certaines expressions des mashayikh de leur contexte pour qu'ils aillent avec le but qu'ils veulent et avec la situation vers laquelle ils veulent orienter les gens. Enfin, écoute maintenant, frère en Allah Azza wa Jal, cet article posté sur le site de Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah. Et l'article porte ce titre qui est très significatif. Na'am, nahnu salafiyoun wa lan nazala bi'idhnillah. Il dit, certes, nous sommes salafis et nous le resterons avec l'ordre d'Allah. Oui, tu as bien entendu, frère en Allah Azza wa Jal. Nous sommes salafis et nous allons le rester avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, go pas, frère en Allah Azza wa Jal, la parole de ceux qui te disent, Cheikh Al-Fawzan, il ne voit pas le fait que tu t'appelles salafi ou autre. Voici, c'est écrit, il date peut-être de 2 jours tout simplement. Yaqul le Cheikh Hafidhahullah, dans cet écrit, il dit, istama'na wa qara'na كلمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفظه الله، التي ألقاها في افتتاح ندوة السلفية منهج شرعي ومطلب وطني التي أقيمت في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, nous avons entendu et nous avons lu cette parole du prince héritier, le prince Laï ibn Abdelaziz Al-Saoud, et le vice-président du conseil des ministres et le ministre de l'intérieur, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Cette parole qu'il a dite lors du débat intitulé « La salafia, c'est une voie légiférée et un but national ». Et ce débat, cette série de conférences qu'il y a eu, ont été faites à l'université l'imam Mohamed ibn Saoud de Riyad. Et cher de dire, وَهِيَ كَلِمَةٌ صَافِيَةٌ صَادِقَةٌ تَتَضَمَّنُ أَنَّ هَذِهِ الْبِلَادِ السَّعُودِيَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَانَتْ وَمَا زَالَتْ قَائِمَةً عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ حَقِيقَةً لَدِّعَاءً. Il dit, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, et cette parole du prince contient comme quoi, il dit, c'est une parole qui est pure, qui est véridique, il contient comme quoi l'Arabie Saoudite et la louange à Allah étaient et restera toujours sur la voie des pieux prédécesseurs, Ridwanullah alayhim, en réalité et non pas par prétention. وهي كلمة صافية صادقة تتضمن أن هذه البلاد السعودية والحمد لله كانت وما زالت قائمة على منهج السلف الصالح حقيقة لادعاء مما ضمن لها البقاء والاستمرار بحمد الله رغم ما اعترضها من أزمات التطهير والتمحيص التي جرى مثلها على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد والأحزاب وحنين. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, et cet état s'est accompli sur la Salafia. Et il est toujours Salaf, c'est un état Salafi en réalité et non pas par prétention. C'est ce qui a permis à cet état de rester et de rester dans le temps et d'exister. Il a louange à Allah, subhanahu wa ta'ala. Malgré les difficultés qui se sont opposées à cet état et que cet état a rencontré, on a essayé de l'anéantir. Comme ce qui est arrivé au messager alayhi salam et ses nobles compagnons lors de la bataille de Houd, lors de la bataille des coalisés, lors de la bataille de Hunayn. Wa yaqul ash-shaykh kama hiya sunnatullah fi ibadihi liyumayyiz al-khabith min at-tayyib wa yasmad al-mu'minun wa yankhalid al-munafiqun. Il dit, comme si la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses serviteurs pour que les bons puissent séparer des mauvais et des impurs et pour que les croyants reste ferme dans leur voie et que se détournent les hypocrites. Il dit, وَقَدْ بَيَّنَ حَفِظَهُ اللَّهُ أَنَّ السَّلَفِيَةَ الْحَقَّ هِيَ الْمَنْهَجُ الَّذِي يَسْتَمِدُّ أَحْكَامَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ بِذَلِكَ تَخْرُجُ عَنْ كُلِّ مَا أُلْصِقَ بِهَا مِنْ تُهَمٍ وَتَبْتَعِدُ عَنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ أَدْعِيَاءُ الْمَنْهَجِ السَّلَفِي لِأَنَّ الَّذِينَ يَدَّعُونَ السَّلَفِيَّةَ الْيَوْمَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ الشَّأْنَ فِي مَنْ يُحَقِّقُ هَذَا الِادِّعَاءَ بِالصِّدْقِ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ مَنْهَجِ السَّلَفِ أَوَّلًا وَالسَّيْرِ عَلَيْهَا ثَانِيًا. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, que le prince héritier, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, a montré que la salafia véridique, c'est la voie dont l'origine et dont les sources au niveau des lois, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salam. Il dit, ainsi, on éloigne tout ce qui a été collé à la salafia comme accusation. Et on éloigne aussi toutes les choses sur lesquelles, et les voies sur lesquelles sont ceux qui prétendent suivre la voie salafie. Car il dit aujourd'hui, beaucoup prétendent la salafia, mais beaucoup. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est qui accomplit cette salafia? C'est pas les prétentions qu'il faut prendre en considération. Qui accomplit la salafia avec véracité, en connaissant la réalité de la voie salafie et en la mettant en application deuxièmement. يقول الشيخ والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire et les prétentions quand on ramène pas les preuves sur ce qu'on prétend, ce que les gens ce ne sont que des prétendants. Ils prétendent tout simplement. يقول حفظه الله والله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il nous cite le verset dans lequel la traduction approximative nous dit ceci, il est premier parmi les muhajirin et parmi l'Ansar, les alliés du Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux, ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé des jardins sur lesquels coulent des fleuves, où ils seront éternellement, et ça, c'est le plus grand et le plus géant des gains. يقول الشيخ الفوزان فالسلف الصالح هم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان أي بإتقان في اتباعهم بأن يعرف منهجهم فلا يتبعهم على جهل وأن يتمسك به ويصبر عليه مهما اعترضه من المعوقات والمخجلات ويتبرأ مما يحدثه الخلف من بدع ومحدثات في الاعتقاد والعبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشيخ de nous dire حفظه الله تعالى et les pieux prédécesseurs et les pieux aïeux ce sont les muhajiroun et l'Ansar, leurs alliés de Médine, et ceux qui les suivent à la perfection. Les suivre à la perfection, il connaît, il a la connaissance de leur voie, il ne les suit pas avec ignorance, et avec la connaissance, il se cramponne à cette voie, et il endure, et il patiente dans cette voie, malgré ce qu'il peut rencontrer, malgré les obstacles, malgré les choses qui veulent le détourner, ou les gens qui veulent le détourner de cette voie. Et ils disent à vous tous que les khalafs, ceux qui sont venus avec après les pieux prédécesseurs, ils disent à vous tous les actes qu'ils ont innovés, que ça soit dans les croyances, que ça soit dans les adorations. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khalifs bien guidés après moi. Cramponnez-vous et mordez dessus avec vos molaires et faites attention à toute nouveauté dans les situations. Et toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est كان يغارمون. يقول الشيخ الفوزان فالسلفية الحقة بريئة من الغلو والتطرف وبريئة من التساهل والانحلال وعلى كل من الطرفين من يتبناه ويدعو إليه هنا باسم التدين والتمسك وهذا باسم التيسير والتسامح. Il dit la salafia véridique, il est innocent de l'extrémisme et du laxisme, il est innocent du laxisme et de laisser aller, et aussi les innocents de l'extrémisme. Et les deux extrêmes, il y a des gens qui sont sur les deux extrêmes. Certains au nom de la religion et le fait de se cramponner au nom de la religion, certains au nom de la facilité et de la tolérance. يقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. Il dit, tous prétendent une relation avec Layla, et Layla ne le reconnaît pas tout ça. ثم قال حفظه الله فإن هذه الدولة المباركة. Et Cheikh de dire, et Cheikh, et le prince a dit, et il a dit, ثم قال حفظه الله إن هذه الدولة المباركة قامت على المنهج السلفي منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود وتعاهده مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا تزال إلى يومنا هذا وهي تعتز بذلك. Et le prince héritier a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, comme le cite Cheikh ici, et cet état béni s'est accompli sur la voie salafi depuis sa fondation par l'imam Muhammad ibn Sa'oud et le pacte qu'il a pris avec l'imam Muhammad ibn Abdelhab, rahimahumullah, et cet état il reste jusqu'à nos jours. Sa fierté, c'est la salafia. يقول الشيخ الفوزان أقول نعم لقد كانت هذه البلاد تعاني من التخلف والفقر والتفكك في دينها ودنياها وكانت على مذهب الخلف في العقيدة والعبادة والحكم لا كيان لها ولا أمن ولا استقرار كان علماؤها في الغالب على منهج الخلف في العقيدة وتنتشر بينهم الخرافات والشركيات في العبادة وتتجللهم الفوضى في الحكم إلى أن من الله عليها بدعوة التوحيد على يد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وناصره وأيده على ذلك الإمام محمد بن سعود فقامت دولة مباركة على منهج الكتاب والسنة كما قال الأمير نايف حفظه الله ولا تزال على ذلك ولن تزال بالحمد لله ما دامت متمسكة بما قامت عليه. Et Cheikh Fawzan de commenter la parole du prince et de dire oui, cet état, ce pays, il souffrait du fait qu'il était arriéré. Il souffrait de la pauvreté, il souffrait de la division dans la religion et dans les choses de ce bas monde. Et il était sur la voie du khalaf, que ce soit dans les croyances, que ce soit dans l'adoration, et que ce soit... Il n'avait pas de force, il n'y avait pas de stabilité, et les hommes de science de ce pays en général ils étaient sur la voie. Une grande partie était sur la voie des khalaf dans leurs croyances et se propageait entre eux les histoires à dormir debout et l'associationnisme dans les adorations. Il y avait l'anarchie dans les lois et dans la mise en application des lois. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ce pays avec la da'wa du monothéisme par l'imam, le revivicateur, Muhammad ibn Abdelhab, et que cet imam a trouvé l'aide, et a trouvé un autre imam, un autre prince, qui l'a fait triompher, qui l'a aidé, et qui a supporté, hein, tout ce qu'il fallait pour cette da'wah, qui est l'imam Muhammad ibn Sa'oud. Et dans ces cas-là, c'est accompli cet état béni sur le livre d'Allah, et la sunna, comme il a dit le prince Naïf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et il est toujours comme ça, et il restera avec la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, tant qu'il sera, qu'il reste cramponné à, aux choses sur laquelle il s'était accompli, c'est-à-dire tant qu'il reste cramponné au livre d'Allah et à la sunna du messager alayhi salatu wasalam. Thumma qala hafidhahullah wa tudriku anna man yaqdahu fi manhajiha aw yutiru ash-shubuhat wat-tuham hawla fahu jahilun yastawjibu bayan al-haqiqa. Et le prince héritier de dire que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et comme ça tu captes que celui qui dénigre la voie de cet état ou qui excite ou propage les ambiguïtés et les accusations autour de cette voie qui est la voie d'El Salaf, il ignore. Hein? C'est un ignorant. Il faut lui montrer la vérité. Il faut l'éclairer sur la vérité. يقول الشيخ الفوزان وكم منطق وأقول إن هذه الدولة المباركة منذ قامت وهي تواجه التهم وإطارة الشبهات حول منهجها وليس ذلك بغريب. الشيخ الفوزان دو دير depuis cet état béni depuis qu'il s'est accompli, il fait face aux accusations et aux ambiguïtés qu'on propage autour de sa voix, et ceci n'est pas étranger. يقول فقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم من شبهات وتهم اليهود والنصارى والمشركين الشيء الكثير مما ذكره الله في القرآن الكريم ورد عليه وضحده. Et il dit Hafidhahullah Ta'ala, c'est ce qu'a rencontré le prophète d'Allah, alayhi salatu salam, comme ambiguïté, comme accusation de la part des juifs, des chrétiens, des associateurs. Beaucoup, il a été Il a rencontré beaucoup. Et tout ceci est cité dans le Coran. Hein? Et le Coran a réfuté tout ça, tout ça. Il l'a anéanti. Il a dit, « Et la même chose, « Et la même chose, « Et la même chose, « Et la même chose, « Et la même chose, « Et والمبتدعة والخرافيين كما يشهد بذلك تاريخها وكتب علمائها من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا. الدي حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان الدي لا ميم شوز ها arrive à cet état depuis qu'il s'est accompli et il ne cesse de faire face, il ne cesse d'être attaqué sur sa voie par les ennemis, par les jaloux, par les hypocrites, par les innovateurs, par ceux qui vivent sur les histoires à dormir debout, comme l'atteste l'histoire de cet état et les livres des hommes de science de cet état depuis l'époque de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah jusqu'à nos jours. Yaqul wa naqra kitab kashf ash-shubuhat li Cheikh Mohammed Abdel Wahhab wa ma jaa ba'dahu min al-kutub al-mu'allafati fi ar-radd 'ala tilka ash-shubuhat wa al-ittihamat. Il dit qu'on lise le livre Kashf ash-shubuhat, dissiper les ambiguïtés de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah. Est-ce qu'il y a dans ce livre et les livres qui sont écrits après ce livre pour répliquer à ce genre d'ambiguïté et à ce genre d'accusation. يقول ثم قال حفظه الله وما قيام هذه الجامعة باستضافة هذه الندوة إلا جزء من ذلك البيان وإيضاح الحقائق تجاه هذا النهج القويم الذي حمل زورا وبهتانا ما لا يحتمل من كذب وباطل ومفاهيم مغلوطة كالتكفير والغلو والإرهاب وغيرها وبشكل يجعل من الواجب علينا جميعا الوقوف صفا دون ذلك وأن نواجه تلك الشبهات والأقاويل الباطلة بما يدحضها ويبين عدم حقيقتها. Et il cite la parole du prince que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il dit cette université, quand il fait ce débat, ce n'est qu'une partie de l'éclaircissement. Et l'éclaircissement sur la réalité de cette voie, qui est la voie salafie, qu'on accuse faussement et qu'on ment sur cette voie et on lui colle ce que des choses de laquelle cette voie est innocente et on lui colle aussi des définitions qui sont fausses, comme le takfir, comme l'extrémisme, comme le terrorisme et autres. De telle façon que ceci fait obligatoire pour nous d'être seuls comme un seul homme et dans une seule rangée contre tout ça. Et que nous devons faire face à ces ambiguïtés et à ces fausses paroles et à ces calomnies avec des choses qui vont les anéantir et qui vont montrer comme quoi ceci n'est pas véridique. يقول الشيخ الفوزان وأقول الحمد لله كل هذه الأباطل والشبه قد دحضت في مؤلفات كثيرة من علماء هذه الدعوة ومن أخوانهم من العلماء في سائر البلاد وهي مطبوعة ومتداولة. Et Cheikh الفوزان de dire en commentant la parole du prince, il dit louange à Allah, toutes ces choses fausses, toutes ces ambiguïtés ont été anéanties donc par les écrits de beaucoup d'hommes de science, hein? Beaucoup d'hommes de science qui appellent à cette voie, ils l'ont écrit. Et d'autres hommes de science, en dehors de l'Arabie Saoudite, ont écrit. Et ceci, il existe, il est édité, il est entre les mains des gens. Yaqul, waqtaraha ala jami'ati l'imam an tu'ida طباعتها وتوزعها وأقترح على جامعة الإمام أن تعيد طباعتها وتوزعها كعمل متمم لمشروع هذه الندوة المباركة. Il dit, حفظه الله تعالى, et je propose à l'université de l'imam de rééditer cet effort et ces écrits et de les distribuer pour, et je vois que c'est quelque chose qui complète un petit peu ce projet de ce débat béni. يقول ولا إن كان قد وقف في وجه هذه الدعوة من وقف وقد فشل والحمد لله. Il dit même si certains se sont opposés à cette da'wa, mais ils ont faibli Hein? Ils ont été, ils ont faibli devant cette dawa. Il dit, il a louange à Allah. فَلَقَدْ وَقَفَ مَعَهَا وَأَيَّدَهَا عُلَمَاءُ تُقَاتْ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَارِ فِي الشَّامِ وَمِصْرِ وَالْهِنْدِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ. Il dit, et à côté de cette dawa, il y a d'autres hommes de science, dignes du nom de différents pays qui sont, hein, qui font triompher cette dawa et qui épaulent cette dawa et qui la défendent, que ce soit au nord de l'Arabie al-Sham ou en Égypte ou en Inde ou dans d'autres pays. يقول وقامت جماعات تدعو إلى التوحيد على منهج هذه الدعوة المباركة. Il dit, il y a des groupes qui se sont constitués, qui appellent au monothéisme sur la même voie que cette dawa bénite qui a été accomplie en Arabie Saoudite. يقول مثل جماعة أهل الحديث في الهند وجماعة أنصار السنة في مصر والسودان وغيرهما وجماعة أهل السنة والتوحيد في اليمن وباء كيد الكائدين لها بالفشل. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وبأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الشيخ دودير ها comme la Jama'a, le groupe des gens du Hadith en Inde, et le groupe Ansar Sunna hein, en Égypte et au Soudan et autres, il dit, et le groupe des gens de la Sunna et du monothéisme au Yémen, il dit, et ceux qui manigancent contre cette dawa ont faibli, ont perdu. Il cite le verset, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, et Allah subhanahu wa ta'ala veut que sa lumière hein, se complète. Ah, il soit parachevé, même si les mécréants le détestent. يقول الشيخ الفوزان ثم قال حفظه الله إخواني الكرام إننا نؤكد لكم أن هذه الدولة ستظل بإذن الله متبعة للمنهج السلفي القويم ولن تحيد عنه ولن تتنازل فهو مصدر عزها وتوفيقها ورفعتها كما أنه مصدر لرقيها وتقدمها لكونه يجمع بين الأصالة والمعاصرة فهو منهج ديني شرعي كما أنه منهج دنيوي يدعو إلى الأخذ بأسباب الرقي والتقدم والدعوة إلى التعايش السلمي مع الآخرين واحترام حقوقهم. Et il dit, حفظه الله تعالى, en citant les paroles du prince héritier, que الله سبحانه وتعالى le préserve, il dit, mes nobles frères, je vous confirme que cet état va rester avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la voie des pieux, ridwanullah, cette voie droite. Il va pas dévier mais, hein, de cette voie. Il va pas hein, laisser quelque chose de cette voie. Car cette voie, c'est la base de son honneur. Et c'est la base hein, sur laquelle s'est accomplie son élévation. Et pour son et c'est la base de son progrès et de son avancement, car cette voie qui est la voie des salafs unit entre eux hein, l'originalité et aussi le fait d'être contemporain. C'est une voie religieuse et légiférée, comme si une voie aussi hein, mondaine qui appelle vers le fait de prendre, d'utiliser les moyens du progrès et d'avancer, et aussi c'est une voie qui appelle vers le fait de cohabiter avec les autres en respectant leurs droits. يقول الشيخ الفوزان وأقول هذا فيه وعد من سموه لأهل السنة في هذه البلاد وفي غيرها من تبات الدولة السعودية وفقها الله على منهج السلف الصالح الذي قامت عليه وفيه تأييس لأعداء هذه الدولة الذين يحاولون زحزحتها عن منهجها القويم إلى المناهج المنحرفة التي تتبناها ممن يريد انتزاع الحكم من الحزبيين ومن يريد شتات السنة وإحلال البدعة والتصوف والخرافات في هذه البلاد من الجماعات الصوفية والخرافية ومن يريد زحزحتها عن الاعتدال إلى الغلو والتطرف من جماعات الجهال والمتشددين أو إلى التساهل والتمييع من المرجئة والعلمانيين والليبرالية من المرجئة والعلمانية والليبرالية. قال حفظه الله لأن هذا المنهج الذي هي عليه هو مصدر عزها وتوفيقها. الشيخ de commenter le passage du prince, il dit, je dis, ça, il y a une promesse de la part du prince pour les gens de la Sunna dans ce pays et dans d'autres pays que ce pays qui est l'Arabie Saoudite va rester sur la voie des pieux aïeux sur lequel il s'est accompli. Il dit aussi, il y a le fait de, hein, de faire désespérer les ennemis de cet État qui essayent d'ébranler cet État, de le dévier de sa voie droite vers les voies déviantes sur laquelle ils sont. Hein? Et essayons de la dévier, hein? De la voie droite. C'est Hizbi qui essaye de la dévier de la voie droite pour prendre le pouvoir. Et ceux qui veulent aussi anéantir la Sunna dans ce pays et faire apparaître à sa place les innovations et le soufisme et les histoires à dormir debout parmi les groupes soufis et parmi les groupes des histoires à dormir debout. Et ceux qui veulent détourner et ébranler le juste milieu dans lequel est cet État pour l'amener vers l'extrémisme parmi les groupes des ignorants et de ceux qui sont durs ou alors les groupes qui sont laxistes. Qui veulent amener cet État vers la voie des Mourji'as, ou des laïcs, ou des libéralistes, et vers la voie du libéralisme. قال حفظه الله لأن هذا المنهج الذي هي عليه هو مصدر عزها وتوفيقها ورفعتها. Et le prince de dire que Allah subhanahu wa ta'ala préserve, et ça c'est la voie, cette voie-là c'est la voie, c'est la source de l'honneur de cet État, et de l'élévation de cet État, et de l'accomplissement de cet État. يقول الشيخ الفوزان وأقول يشهد لذلك ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدولة المباركة من فوضى وضياع وفقد وتشتت وفاقة. Et il dit, et je dis, Cheikh Al-Fawzan de commenter, il dit, atteste pour cela, pour ce qui a dit le prince, hein, la situation dans laquelle était cet état béni min Allah Azza wa Jal. Il était dans une anarchie, il était perdu, il y avait la pauvreté, il était divisé. وقوله حفظه الله عن هذه عن هذا المنهج انه يجمع بين الاصالة والمعاصرة. أقول لأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Il dit contre le prince, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette voie réunie entre l'originalité et l'origine et le fait d'être contemporain. Cheikh Al-Fawzan de dire, je dis, car cette religion, elle est bonne pour tout lieu et pour tout temps, comme il a dit l'imam Malik, rahimahullah, ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. قال حفظه الله فهو منهج ديني شرعي كما أنه منهج دنيوي يدعو إلى الأخذ بأسباب الرقي والتقدم. Et le prince a dit, ça c'est une voie religieuse, une voie légiférée, comme c'est une voie mondaine, qui appelle vers le fait d'utiliser les moyens pour arriver au progrès et pour avancer. يقول الشيخ الفوزان أقول ومصداق ذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وفي قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقوله تعالى وخذوا حذركم وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الشيخ الفوزان بكم منطي ce passage de dire et donne véracité à tout ça, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative dit ceci: aujourd'hui je vous ai parassé votre religion et l'autre parole, et préparez-leur ce que vous pouvez comme puissance. Et l'autre parole, faites attention. Et l'autre parole, ne vous jetez pas vers votre perte. يقول وقوله حفظه الله والدعوة إلى التعايش السلمي مع الآخرين واحترام حقوقهم. Il dit compte le prince que Allah subhanahu wa ta'ala préserve, il a dit aussi cette da'wa appelle vers le fait de cohabiter en paix avec les autres et de respecter leur droit. يقول الشيخ الفوزان أقول هذا ما تضمنه قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بارك الله في سموه وجعل ما قاله في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كتبه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به. Et il dit حفظه الله تعالى. Il dit quand le prince a dit et cette voix appelle vers le fait de cohabiter en paix avec les autres et de préserver leurs droits, il dit ceci est contenu dans la parole d'Allah, dans la traduction approximative de ceci, et ne dépassez pas vos limites, et ne soyez pas injustes, ne dépassez pas, ne transgressez pas, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui transgressent. Et aussi, il a dit tant qu'ils, dans l'autre verset, tant qu'ils sont droits avec vous, soyez droits avec eux. Et il dit, la situation de certains ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, car c'est le plus proche de la piété. Et il dit aussi, ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et que vous ne vous ont pas sorti de vos demeures et de vos cités, soyez bons avec eux et soyez équitables avec eux, car Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont équitables. Et Cheikh Al-Fawzan de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vénère le prince pour ce qu'il a dit et qu'il fasse que ceci soit dans la balance de ses hasanat. Prière et salutations sur notre prophète Mohammed alayhi salam, écrit par Salih al-Fawzan, Salih ibn Fawzan al-Fawzan, membre du comité des grands savants. Fa, vous avez vu à partir du titre que le titre veut dire beaucoup de choses. Nous sommes salafis et nous le resterons par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne vous faites pas avoir avec les paroles de ceux qui prétendent, mes chers al-Fawzan, ne voient pas la salafia et ceci et cela. Et ne vous faites pas avoir aussi par ces ministres du takfir et de l'extrémisme qui disent, qui dénigrent l'Arabie Saoudite ou quoi que ce soit, alors que eux, ils vivent dans les pays de mécréance, etc. C'est quoi de mieux? Un État qui défend le monothéisme, malgré les lacunes qu'il y a, être parfait, n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que à ce qu'a créé Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que fait l'être humain, il y a des lacunes dedans. Mais montrez-nous un pays qui appelle au monothéisme, et qui défend la sunna et qui fait beaucoup pour la da'wa plus que l'Arabie Saoudite sur terre. Et ça, c'est pas de l'exagération, c'est le fait de reconnaître le bien là où il est, et il nous est demandé d'être juste et de reconnaître les vertus aux gens qui ont des vertus et les vertus aux lieux et aux efforts qui en portent. Et nous revenons à la risala de son éminence, habidah Allah ta'ala. يقول التعقيب الثامن قوله في صفحة 23 إن السلفية لا تعني إلا مرحلة زمنية قصار ما في الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيرية كما وصف كل عصر آت من بعده بأنه خير من الذي يليه فإن قصدت بها جماعة إسلامية ذات منهج معين خاص بها فتلك إذن إحدى البدع. يغفنوا من تنوى لغيبليك دو الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كونسيغنو دكتور رمضان البوثي كنت إلى إكريك لسلفية ستين بيريود بريسيز دون لطن. Comme ça, ça nous montre aussi que Cheikh Al-Fawzan voit les répliques. Et lui-même, il a beaucoup de répliques. Il a répliqué à Al-Halal ou Al-Haram de Al-Qaradawi. Comme il a répliqué à beaucoup d'écrivains, il fait partie de ses répliques aussi ceci. Et dans cette huitième critique, Cheikh il dit que Ramadan al-Bouti a dit dans la page 23 que la Salafia ne concerne qu'une période bien précise dans le temps. Et c'est que juste Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a décrite comme quoi il est bon et qu'il est meilleur, comme il a décrit toute l'époque qui arrive, chaque époque qui arrive après une autre époque, que celle qui arrive, il y a moins de bien que dans celle qui est passée. Yaqoul, si tu veux, par la Salafia, un groupe islamique qui a une voix bien précise et qui a une voix qui lui est particulière, ceci est une innovation et l'une des innovations. Hein? فالآن ألا ألا ريبليك دو شيخ الفوزان حفظه الله ونقول هذا التفسير منه للسلفية بأنها مرحلة زمنية وليست جماعة تفسير غريب وباطل الشيخ دو دير cette interprétation de la salafia de sa part de la part de l'Bouti comme quoi la salafia c'est une période bien précise dans le temps et ce n'est pas un groupe ceci est une traduction est une interprétation fausse et étrange. يقول فهل يقال للمرحلة الزمنية بأنها سلفية؟ هذا لم يقل به أحد من البشر. Il dit حفظه الله تعالى est-ce qu'on dit à d'une époque et d'un temps que c'est le temps il est salafi ou l'époque il est salafi? Il dit ça personne parmi les hommes, les êtres humains ne l'ont dit. Moi, je te demande, frère en Allah, Azza wa Jal, de méditer cette façon minutieuse avec laquelle tombent les répliques de la part de son éminence, Habibullah Ta'ala, comme de la part de tous les hommes de science qui mettent les répliques. Regarde comment ils épluchent et comment ils te détaillent la situation. Tu peux lire et tu passes à côté. Mais regarde la clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux hommes de science. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وإنما تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في العصر الأول من عصور الإسلام والتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث الذي حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان On dit salafia pour un groupe de croyants qui ont vécu à la première époque de l'islam, aux premières époques de l'islam, et qui se sont cramponnés au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salam, et qui sont le muhajiroun et l'ansar, et ceux qui les suivent à la perfection. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a décrits dans le hadith comme ceci. Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux de ma génération, et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent. يقول الشيخ الفوزان فهذا وصف لجماعة وليس لمرحلة زمنية. الشيخ الفوزان de dire ça c'est une description pour un groupe et non pas pour une période dans le temps. Ce n'est pas une description du temps ni d'une période dans le temps. يقول ولما ذكر صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة فيما بعد قال عن الفرق كلها إنها في النار إلا واحدة ووصف هذه الواحدة بأنها هي التي تتبع منهج السلف وتسير عليه فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي Il dit, Habibullah Ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, et contre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de la division de la communauté après lui. Et il a dit de six groupes, ils seront tous au feu de l'enfer, sauf une. Il a décrit un groupe, comme quoi ils vont suivre la voie des pieux prédécesseurs. Ils vont être sur la voie. Et il a dit, ceux qui sont sur la même voie, sur laquelle je suis moi aujourd'hui mes compagnons. يقول الشيخ الفوزان فدل ذلك على أن هناك جماعة سلفية سابقة وجماعة متأخرة تتبعها في نهجها وهناك جماعات مخالفة لها متوعدة بالنار وما ذاك إلا لضلال هذه الفرق المخالفة للفرقة الناجية. الشيخ de dire cela prouve qu'il y a une jama'a salafi qui était la première, qu'il y avait une jama'a salafi qui était la première, et qu'il y a une jama'a salafi à la fin qui la suit dans sa voie, et qu'il y a des groupes qui sont en divergence avec ce groupe salafi qui est sur la même voie, sur laquelle était le prophète alayhi salam et ses nobles compagnons, et que ces groupes qui sont en divergence avec ce groupe sauvé ont l'avertissement du châtiment, du feu de l'enfer. Pourquoi? Parce que ils sont dans l'égarement, parce que ces groupes sont dans l'égarement, et parce qu'ils sont en divergence avec la voie du groupe sauvé. Médite bien, Akhi, et comprends bien, hein, et profite de ces éclaircissements que nous donne Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, pour que tu ne te fasses pas avoir par les insensés et par les ministres qui veulent te détourner de la voie de tes piseurs, d'Allah alayhim. يقول الشيخ الفوزان لا كما يقول فيما سبق في صفحتي 20 و 21، ومن حق صاحب أحد الرأيين أو الآراء في تلك المسائل الاجتهادية أن يطمئن إلى أن ما ذهب إليه هو الصواب، ولكن ليس من حقه أن يجزم بأن الذين خالفوا إلى الآراء الأخرى ضالون خارجون عن خطيرة الهدى. Et Cheikh Al-Fawzan de citer aussi, il dit non pas comme il a dit, Ramadan al-Bouti dans les pages 20 et 21, où il a dit, il est des droits de quelqu'un qui porte, qui a une opinion, qui a des opinions dans certains sujets de l'effort de l'interprétation, qu'il soit acquis à la voie sur laquelle, à la voie qu'il a choisie et à l'opinion qu'il a choisie, car c'est la voie qu'il aura choisie, c'est juste. Il dit, il n'a pas le droit d'avoir la certitude que ceux qui sont en divergence avec lui et qui sont sur d'autres opinions sont égarés et qu'ils sont sortis de la guidée. يقول الشيخ الفوزان ونقول له ليس هذا على إطلاقه إنما هو في المسائل الفروعية التي هي مصلح للاجتهاد، أما مسائل العقيدة فلا مجال للاجتهاد فيها، وإنما مدارها على التوفيق، ومن خالف فيها ضلل أو كفر بحسب مخالفته، وقد ضلل السلف القدرية والخوارج والجهمية وحكموا على بعضهم بالكفر لمخالفتهم منهج السلف. الشيخ الفوزان وكومونتير اون ريبليكا تو سا il dit: nous lui disons, ceci n'est pas dans le sens large du terme. Ceci ne concerne que les sujets, hein, c'est-à-dire les sujets qui concernent les œuvres qui sont dues à ce sujet-là, qui concerne les branches, hein, et qui concerne les actes. Il y a le lieu de l'effort d'interprétation en absence des textes. Il dit, mais en ce qui concerne les croyances, il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation. C'est pour ça qu'il lui dit que ça, c'est pas dans le sens large du terme. Dans les sujets des croyances, il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation. Car le pivot de la situation au niveau des croyances, il est décrété à Ré. C'est la législation. Et celui qui est en divergence dans un sujet de là, des croyances, soit... hein, les hommes de science vont décréter qu'il est égaré, soit ils vont décréter sa mécréance selon sa divergence. Et salaf ont rendu certains égarés, comme le Qadariya ou le Khawarij ou le Jahmiya. Et ils ont décrété la sentence de mécréance pour certains dont la voix était complètement en divergence avec la voix du plusieurs dans l'alim, parce que leur situation, hein, était une situation de mécréance. يقول التعقيب التاسع منتنو على نفيم كريتيك دو شيخ الفوزان حفظه الله. يقول زعم في الصحافة في الصفحات 27 إلى 31 أن الصحابة لم يكن بهم حاجة إلى تحكيم ميزان علمي في الاستنباط. إيه إلدي كم نو رابورت إيسي دون سيت كريتيك شيخ الفوزان حفظه الله إلدي كو البوطي بريتون دو لا باج 27 إلى لا باج 31 كو لي كومبانيون نافي با بوزوان d'une mesure scientifique vers laquelle ils doivent revenir pour extraire les lois et les jugements des textes. Yaqul al-Sheikh al-Fawzan, ils n'avaient pas besoin d'utiliser et de prendre comme juge une mesure scientifique pour extraire les lois et les jugements. يقول الشيخ الفوزان وهذا فيه إجمال، فإن أراد بالميزان العلمي فهم النصوص ومعرفة معانيها وما يراد بها فهم أغزر الناس علما في ذلك، وإن أراد بالميزان العلمي منهج الجدل وعلم الكلام فهذا ميزان جهلي لا ميزان علمي، وهم أغنى الناس عنه وقد تركوه وحذروا منه وضللوا أصحابه لأنه لا يوصل إلى حقيقة ولا يهدي إلى صواب، وإنما آل بأصحابه إلى الشك، وإن زعم من ابتلي به أنه ميزان علمي ووصفوا أنفسهم بأن طريقتهم أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم. Il dit حفظه الله تعالى on réplique à ceci. Dans cette parole, il y a une généralité. S'il veut par la mesure scientifique, la compréhension des textes et connaître les définitions, et il dit, les compagnons avaient la science profonde, ils avaient beaucoup de science en tout ça. Il dit, s'il veut la mesure scientifique, qui est la voix des gens, des hommes de science, de la parole et de la polémique, il dit ça, c'est une mesure d'ignorance. Ce n'est pas une mesure scientifique. Et il dit les compagnons sont au-dessus de tout ça. Ils ont délaissé cette voie, la voie de la polémique et de la science de la spéculation et de la parole. Ils l'ont délaissé. Ils ont averti contre cette voie-là. Ils ont rendu égarés les gens de cette voie-là. Car cette voie-là n'amène pas vers la vérité, il ne guide pas vers la justice et vers le juste et vers le vrai. Et cette voie amène ses disciples et ceux qui la suivent au doute. Même s'ils prétendent, ceux qui sont éprouvés par cette voie, ils prétendent que c'est une mesure scientifique et qu'ils ont décrété et décrit que leur voie, il y a plus de que dans leur voie, il y a plus de science et plus de sagesse, et que la voie des pieux prédécesseurs est une voie où il y a la sécurité. A'oudou billah. يقول الشيخ ويصفون السلف بأنهم ظاهريون كما وصفهم الدكتور بذلك في هذا الكتاب في صفحة 31. Ils décrivent les pieux prédécesseurs comme quoi ils sont des gens qui prennent les textes à l'apparence des textes. Ils prennent l'apparence des textes. Vahiriyoun. Comme les a décrits aussi Dr. Ramadan al-Bouti dans son livre à la page 31. Et il a dit, فقال ومن ثم فإن الشأن فيما ذكرناه عنهم من ابتعادهم عن ساحة الرأي وعدم الخوض فيما تلقوه من أنباء الغيب وغوامض المعاني ووقوفهم في ذلك مع ظاهر النصوص دون تعطيل ولا تشبيه. Il dit, Ramadan al-Bouthi dans son livre, partons de là, la situation c'est ce que nous avons cité d'eux, comme quoi ils s'éloignent de l'opinion. Et toutes les nouvelles de l'invisible, ils la prennent telle qu'elle. Et ils ne vont pas chercher, avec leur raison, les définitions, etc. Et avec ça, ils s'arrêtent avec l'apparence des textes, sans dépouiller les textes, et sans faire de similaires et chercher de ressemblances. يقول الشيخ الفوزان en commentaire فهذا معناه أن طريقة السلف طريقة بدائية تقف عند ظاهر النصوص وليست طريقة علمية تنفد إلى غور النصوص ومقاصدها ومعناها. أيضا أن للنصوص باطنا وظاهرا يختلفان كما يقوله أهل الضلال. Il dit, Cheikh Al-Fawzan au commentaire, il dit, cela ça veut dire que la voie des salafs, c'est une voie primitive, qui s'arrête tout simplement sur l'apparence des textes. Et ce n'est pas une voie scientifique, qui va au fond des textes, et qui va chercher le but du texte, et les significations profondes des textes. Il dit, parce que pour eux, les textes ont une apparence et un sens caché, qui sont différents, comme disent les gens de l'innovation. Vous voyez un petit peu ces paroles qui peuvent être claires pour beaucoup parmi nous. Regardez les calamités et les garments qu'il y a dedans. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui restent derrière les hommes de science et les éminences de science, et qui nous fassent profiter de leur éclaircissement et de leur interprétation et de leurs orientations, et qu'ils fassent de nous des gens qui mettront en application leurs conseils et leurs orientations. يقول التعقيب العاشر من صفحة 32 إلى صفحة 47 يحاول أن يبرر مخالفة بعض الخلف لمنهج السلف باتساع بلاد الإسلام ودخول أجناس من البشر في دين الإسلام وهم يحملون ثقافات أجنبية وبتوسع مجالات الحياة المعيشية باختلاف الملابس والمباني والأواني والصناعات والأطعمة إلى غير ذلك مما ذكره من الكلام الطويل إلى أن قال في النهاية. Et la dixième critique, il dit, Cheikh Fawzan dit, il a cité de la page 32 à la page 47 où il essaie de trouver le Ramadan al-Bouti, il essaye de trouver une excuse ou divergence dans laquelle sont tombés les khalaf par rapport à la voie des pieux. Il dit parce que l'État musulman est devenu vaste, s'est élargi. Il y a beaucoup de races qui sont rentrées dans l'islam. Ils ont des cultures qui sont différentes et étrangères. Et les domaines de la vie se sont élargis aussi avec la diversité dont les vêtements, dont la façon de construire, dont les ustensiles, dont les techniques, et dont l'artisanat, et dont la fabrication, et dont la bouffe, et ainsi de suite. Et il a cité beaucoup de paroles, comme il a dit chez ici, jusqu'à ce qu'il ait dit, il a un qala fin nihaya, فَلَوْ كَانَتِ اتِّجَاهَةُ السَّلَفِ وَاجْتِهَادَتُهُمْ هَذِي حُجَّةِ لِدَاتِهَا لَا تَحْتَاجُ بِدَوْرِهَا إِلَى بُرْهَانِ أَوْ مُسَنَدٍ يُدَعِّمُهَا لأنها برهان بنفسها إذا لوجب أن تكون تلك النظرات يعني نظرات السلف المتباعدة المتناقضة كلها حقا وصوابا ولوجب المصير ودون أي تردد دون لا رأي المصوبة ولما احتاج أولئك السلف رضوان الله عليهم أن يلجأوا أخيرا من مشكلة هذا التناقض والاضطراب إلى منهج علمي يضبط حدود المصالح إلى آخر ما قال. Il dit toujours les paroles jusqu'à ce qu'il ait dit, c'est-à-dire les paroles de Bouthi. Si les orientations des pieux et leurs efforts d'interprétation étaient une preuve en soi et qu'il n'y avait pas de preuves à chercher pour prouver les orientations des pieux, dit, dans ces cas-là, il aurait été obligatoire que ces visions, c'est-à-dire les visions salafis, qui sont lointaines et qui sont en contradiction, qu'ils soient tous une vérité et qu'ils soient tous justes. Il dit, il aurait été obligatoire d'y aller et de les prendre sans hésitation, d'aller prendre l'opinion juste dans tout ça sans hésitation. Il dit mais, et que les pieux n'auraient pas besoin, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, à aller en dernier lieu pour le problème de la contradiction et de la perturbation à une voie scientifique qui règle la limite des intérêts, etc. يقول الشيخ حفظه الله ونحن نجيب عن ذلك الشيخ الفوزان دي نون ويغيبون توسا الجواب الأول أن السلف لم يختلفوا في مسائل العقائد والإيمان وإنما اختلفوا في مسائل الاجتهاد الفرعية وليس ذلك اضطرابا وتناقضا كما يقول وإنما هو اجتهاد يؤجرون عليه دي premièrement on lui réplique ceci que les salaf n'ont pas divergence qui concerne la foi et les croyances. Mais ils ont divergé dans les sujets qui sont dans lesquels il y a la place à l'effort d'interprétation, mais en ce qui concerne les actes et ainsi de suite. Et ceci n'est pas une perturbation ni une contradiction de leur part, mais c'est un effort d'interprétation pour lequel ils seront récompensés. يقول الجواب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Il dit aussi c'est que le Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de les suivre en disant comprenez-vous à ma sunna et à la sunna du khalif bien guidé. وقال عن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il a dit du groupe sauvé, Rasoul a dit du groupe sauvé, ceux qui sont sur la même voie que moi, aujourd'hui, mes compagnons. يقول واثنى الله على من اتبعهم ورضي عنهم معهم فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار il dit الله سبحانه وتعالى a fait l'éloge à ceux qui les ont suivis à la perfection et الله سبحانه وتعالى les a agréés il les a agréés avec eux et il a dit d'eux il est premier Ah, parmi ceux qui ont quitté la Mecque vers Médine et leurs alliés, les habitants de Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé, leur a réservé des jardins sur lesquels coulent des fleuves. يقول الشيخ الفوزان والإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها il dit et l'imam Malik ibn Anas que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes il disait ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté فيقول الشيخ الفوزان فيجب اتباعهم والأخذ بأقوالهم لا سيما في العقيدة لأن قولهم حجة كما هو مقرر في الأصول il dit حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان donc il est obligatoire de les suivre et de prendre leurs paroles et surtout en ce qui concerne les croyants car leur parole est une preuve comme il est confirmé dans les fondements يقول التعقيب الحادي عشر la onzième critique في صفحتي 53 و54 وصفه الكوثري بأنه محقق ونقل كلاما له ذكر فيه أن عدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابدة المجوس بتوا بين أعراب الرواة من المسلمين أساطير وأخبارا في جانب الله فيها تجسيم وتشبيه وأن المهدي أمر علماء الجدل من المتكلمين بتصنيف الكتب في الرد على الملحدين والزنادقة وأقاموا البراهين وأزالوا الشبهة وخدموا الدين يقول الشيخ في أسفل الصفحة لعله يقصد بالملحدين أتباع السلف الذين يثبتون صفات الله التي هي في اعتبار أساطير وتجسيم وتشبيه il dit pour la 11e réplique Cheikh de nous citer Hein, les paroles de l'Bouti de la page 53-54. Il dit que l'Bouti a décrit le Kawthari comme quoi c'est un authentificateur. Le Kawthari, l'Albani lui a fait des répliques. Beaucoup d'hommes de science lui ont fait des répliques. Il le considère comme un égaré. Hein? Et le Kawthari Hada, l'Bouti le décrit comme quoi c'est un authentificateur. Et il a cité de ses paroles. Hein? Où Le Kawthari cite un certain nombre de paroles des rabbins juifs et des curés chrétiens et des responsables, hein, des adorateurs de feu, les hommes de leur, les hommes de religion du feu là, les Zoroastriens je crois, hein, leurs têtes. Il a cité certaines de leurs paroles à tout cela et il a dit que un certain nombre de rabbins, de chrétiens et des têtes des majus, des zoroastriens ont immiscé chez les arabes, ont immiscé chez les arabes rapporteurs de hadith parmi les musulmans des histoires et des nouvelles, des annonces concernant Allah Azza wa Jal dans laquelle il y a le fait de donner corps à Allah, le fait de lui chercher, de lui faire un similaire, et que le Mahdi leur a ordonné aux hommes de science de la polémique et aux hommes de science de la spéculation, de la science de la parole, d'écrire des livres pour réfuter aux athées et aux hypocrites zanadiqa. Et chier de dire, peut-être qu'il veut dire par zanadiqa les disciple des pieux prédécesseurs de Douanullah Alim. Il a dit que ces hommes de science de la polémique et de la parole ont écrit des livres et ont accompli des preuves pour anéantir les ambiguïtés et ils ont rendu service à la religion. يقول الشيخ الفوزان pour anéantir tout ça, الشيخ الفوزان il dit هكذا وصف الكوثر رواة الإسلام بأنهم أعراب راجت عليهم أساطير اليهود والنصارى والمجوس. وهذه الأساطير في زعمه هي الأخبار المتضمنة لأسماء الله وصفاته لأنها تفيد التشبيه والتجسيم عنده. إيه il dit Cheikh Al-Fawzan Habibullah Ta'ala, ainsi il a décrit le Kautari. Ainsi le Kautari a décrit les rapporteurs de l'islam, comme quoi ce sont des Arabes qui n'ont pas fait attention aux histoires à dormir debout des Juifs, des Chrétiens et des Zoroastriens. Et que ces histoires à dormir debout, selon sa prétention, concernent les noms et les attributs d'Allah, qui, et ces noms et ces textes qui ont été émissés concernent le fait de faire des ressemblants à Allah et de lui donner un corps. واثنى على علماء الكلام الذين ردوا هذه الروايات ووصفهم بالدفاع عن الإسلام والرد على الملحدين والزنادقة. Et il a fait l'éloge aux hommes de science de la spéculation et de la parole et qui ont répliqué à ces versions et il les a décrits comme quoi ce sont les défenseurs, comme quoi ils ont défendu l'islam et qu'ils étaient des défendeurs de l'islam et qu'ils ont répliqué aux athées et aux hypocrites الزنادقة. يقول وما علماء الكتاب والسنة فليس لهم دور عند الكوثر في الدب عن الإسلام والرد على الملاحدة والزنادقة. وقد نقل الدكتور كلامه هذا مرتضيا له ووصفه بالمحقق والله المستعان. Il dit que هذا الكوثري a fait cette description alors que les hommes de science du livre et de la sunna ils n'ont pas de réplique chez le Kautari. Ils n'ont pas répliqué aux innovateurs. Ils n'ont pas défendu l'islam, ils n'ont pas fait de réplique à défendre l'islam, ils n'ont pas répliqué aux athées et aux hypocrites. Et docteur Lbothi a pris les paroles de l'Kautari, il les a écrites en agréant ces paroles et en décrivant l'Kautari comme quoi c'est un authentificateur. Et Allah al-Musta'an. Et ça, frère en Allah, Azzawajal, ce n'est pas étrange de la part de l'Kautari, de la part de Lbothi. Car les oiseaux, pour voyager, ils vont ensemble. Chaque espèce va dans l'espèce qui lui correspond. At-taqibu at-tani ashar fi safha 63 yara fi faqra 1 أنه يجب التأكد من صحة النصوص الواردة والمنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا كانت هذه النصوص أو سنة. Et la douzième réplique de Cheikh Al-Fawzan à la page 63, il dit que le Bouti voit premièrement que dans le premier paragraphe qu'il est obligatoire de s'assurer de l'authenticité des textes qui nous ont été transmis du messager عليه الصلاة والسلام, que ce soit le Coran ou que ce soit la Sunna. ونقول له الشيخ الفوزان دي نقول له ديزون أولا هل القرآن يحتاج إلى تأكد من صحته أليس هو متواترا تواترا قطعيا وإذا كان يريد بعض القراءات فلماذا لم يبين ويقيد كلامه بذلك. الشيخ الفوزان دي لديه première réplique دي est-ce que le Coran a besoin qu'on s'assure de ça, de son authenticité. Il a été transmis par plusieurs voies de transmission, une transmission qui n'a pas d'égal et dans laquelle il n'y a aucun doute. Irréfutable, à l'islam. Et Cheikh Al-Fawzan de lui dire, s'il veut certaines lectures, pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas conditionné ses paroles? Et comme quoi il s'agit de certaines lectures يقول ثانيا هل القرآن من فم الرسول صلى الله عليه وسلم كالسنة أو وحي كله لفظه ومعناه من الله تعالى والرسول مبلغ فقط. إن كلامه هذا يوهم أن القرآن الكريم من كلام الرسول كالسنة وليس هو كلام الله. إيه الشيخ دوديخ دوزيامو إسكو القرآن سختون دو لابوش دو ميساجي عليه الصلاة والسلام سيكم لا سنة. Ou alors, c'est une révélation. Son expression et son sens, c'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam seulement est transmis. Il dit parce que la parole de l'Bouti donne une illusion dans l'illusion comme quoi le Coran, le nouveau Coran, c'est la parole du messager ainsi que la sunna, et que ce n'est pas la parole d'Allah. التعقيب الثالث عشر قال في صفحة 63 فقرة جيم إنه يجب على الباحث عرض حصيلة تلك المعاني أي معاني النصوص الصحيحة التي وقف عليها وتوكد منها على موازين المنطق والعقل لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها ويقول إيه لا 13e كريتيك شيخ دودير que le Bouti a dit à la page 63, paragraphe J, qu'il est obligatoire à celui qui fait des recherches, au rechercheur, d'exposer ce qui, les recherches qu'il a eues et la recherche à laquelle il est arrivé et la signification de ces recherches, c'est-à-dire la signification des textes authentiques, de s'en assurer et de les exposer à la logique et à la raison pour l'authentifier, et pour la purifier, et pour voir la position de la raison par rapport à cet texte. يقول الشيخ الفوزان ونقول هل للعقل موقف وسلطة مع النصوص الصحيحة؟ Et الشيخ الفوزان de dire, est-ce que la raison a une position et un pouvoir avec les textes authentiques? يقول هذا لم يقل به إلا المعتزلة ومن وافقهم. Dit ça, ce ne sont des paroles qui ont été dites tout simplement que par le Mu'tazila et qui ceux qui sont dans la même voie qu'eux et qui sont d'accord avec eux. أما أهل السنة فيسلمون لما صح عن الله ورسوله سواء أدركته عقولهم أم لا. Il dit compte aux gens de la Sunna. Ils se soumettent aux textes qui sont authentiques, qui viennent d'Allah et qui viennent de son messager, que leur raison le capte ou qu'ils ne le captent pas, que leur raison capte le but et la sagesse du texte ou là qu'ils ne le captent pas, et l'acceptent, ils se soumettent, du moment que ça vient d'Allah et ça vient du messager, alayhi salam. يقول ولا سيما في نصوص الأسماء والصفات وقضايا العقيدة. Dit surtout concernant, les textes concernant les noms et les attributs et les croyances. يقول فإن العقول لا مجال لها في ذلك. Car la raison n'a pas de place en ce qui concerne ce qui nous a été transmis authentiquement sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه من أمور الغيب. Car ça concerne les choses de l'invisible. مع العلم أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول. لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدرك كنها. Il dit alors que la science, tout en sachant que la législation ne ramène pas quelque chose qui va dans et que la raison va dire ceci est impossible. Mais la législation ramène des choses devant lesquelles la raison reste ébahie et ne connaît pas le comment de ces choses, mais il reste ébahi devant. Mais jamais la législation ne ramène quelque chose où la raison va dire non, c'est impossible. Mais il ramène des choses devant lesquelles la raison reste ébahie. وأكتفي بهذا القدر اليوم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا